Troisième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire titrée « Sortir de la Seconde Guerre mondiale » en partenariat avec le hors-série du Monde que vous trouvez en kiosque, qui lui titre et développe l'idée qu'en 1945, un monde éclaté est sorti de cette guerre. Après avoir écouté lundi les époux Klarsfeld à l'occasion de la parution de leur mémoire, puis hier avoir découvert l'existence de camps soviétiques en France à la Libération avec un documentaire de Catherine de Copé et Anne Fleury à réécouter et à télécharger sur notre site internet www.franceculture.fr, et avant demain de nous demander comment les maquisards et résistants étaient revenus à la vie civile à la fin de la guerre, nous allons ce matin vous raconter l'histoire de ce qu'on a appelé les poches de l'Atlantique et de la mer du Nord, Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, qui furent libérés à la veille de la reddition de l'Allemagne. Catherine de Copé, qui a préparé cette semaine avec nous, et moi-même avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jacqueline Saint-Clivier. Jacqueline Saint-Clivier est professeure d'histoire à l'université de Rennes 2, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la période qui suit cette Seconde Guerre mondiale. Et également, elle est co-organisatrice avec, entre autres, un autre de nos invités, Frédéric Desberg, qui est maître de conférence à Paris 1 et qui enseigne aux écoles de Saint-Cyr Couette-Quidan, co-organisatrice d'un colloque qui se déroule les 11, 12 et 13 mai prochains, lundi, mardi, mercredi prochain, à Nantes, à Saint-Nazaire, pardon. Un colloque organisé par l'Université de Nantes et La Rochelle qui s'intitule « Les poches de l'Atlantique 1944-1945 ». Et notre troisième invité d'aujourd'hui pour commenter des archives formidables qui ont été trouvées par Catherine de Copé dans le fond de l'INA, eh bien, notre troisième invité est Stéphane Simonet. Il est historien, chercheur à l'Université de Caen et il est auteur d'un livre qui s'intitule justement « Les poches de l'Atlantique » et qui sort demain chez Talendier. Allô, allô, ici, Joire. Jourdain, m'entendez-vous? Jourdain, m'entendez-vous? Jourdain, m'entendez-vous? Allô, allô, ici, Joire. La première vague passe au point C. La première vague passe au point C. Jourdain, m'entendez-vous? Je vous écoute. Allô, allô, ici, Jourdain. Allô, allô, ici, Jourdain. Bonjour Frédéric Desberg. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est une archive de la radio, puisque la particularité de ces poches de l'Atlantique, c'est que la radio française à l'époque est une radio qui émet depuis août 1944, puisque elle a été libérée en même temps que Paris, et que cette radio, donc au fur et à mesure de l'avancée des troupes, a participé donc à la reconquête du territoire, et qu'on peut avoir donc des reportages très vivants. Très intéressant, dont on écoutera quelques passages dans cette émission, de cette reconquête des dernières parties du territoire de français en avril 1945 et en mai 1945. Et là, nous sommes devant Oléron. Oui, alors je n'ai pas entendu l'archive, mais effectivement, à partir du moment où le territoire est libéré, effectivement, la presse, et la nouvelle presse en particulier, de la libération est sur tous les points, et sur tous les fronts, et y compris donc ce dernier front, à partir donc de août-septembre 1944, dans ces régions qui n'ont pas encore été libérés et qui doivent supporter 9 mois supplémentaires d'occupation allemande et donc de guerre. Alors Jouarre et Jourdain, c'était deux des bataillons, pourrait-on dire, qui allaient reconquérir cette île d'Oléron donc en le 30 avril 1945, en même temps que d'autres combattaient à Royan en particulier. On reviendra sur ce cas particulier de Royan dans cette émission. Jacqueline Saint-Clivier, vous êtes avec nous depuis les studios de Rennes de Radio France. Oui. Nous remercions de vous accueillir. Vous êtes spécialiste en particulier de la libération de la Bretagne, mais pas simplement. Vous co-organisez ce colloque donc des poches de l'Atlantique. Vous êtes participante, pardon, excusez-moi, vous êtes pas une organisatrice, à Saint-Nazaire la semaine prochaine. Alors, Jacqueline Saint-Clivier, comment ces poches se sont-elles créées et pourquoi se sont-elles créées? Alors, ces poches se sont créées après après la percée d'Avranches qui fait que l'ensemble de la Bretagne a été libérée au début du mois d'août, avec malgré tout des moments où les Américains ont stagné devant ce qui était les forteresses allemandes, donc à Saint-Malo, qui n'est libérée qu'à la mi-août, et même l'île de Sésame en face de Saint-Malo début septembre 44. Mmh. Brest n'est libérée que le 19 septembre 44. Et les Américains vont ensuite se porter vers Saint-Nazaire et Lorient. Là, on se situe début août, mais ils ne sont pas assez, ils n'ont pas suffisamment d'armement à ce moment-là pour pouvoir entrer dans les dans Saint-Nazaire et Lorient, hein, qui malgré tout sont solidement défendus. Mmh. Donc tout le monde attend la libération de Brest en se disant, eh bien après, Lorient et Saint-Nazaire vont être libérés. Sauf qu'on est alors vers le 19-20 septembre, les Américains sont partis de Normandie, ils ont déjà fait leur jonction avec ceux qui arrivaient de Toulon du côté de Dijon, ils ont libéré Paris entre-temps, ils sont aux abords de Arras, Verdun, etc. Donc il y a une avancée considérable vers l'Est et quelque part, ils ne vont pas s'embêter de trop, je dirais, avec ces deux, avec Lorient et Saint-Nazaire, qui sont certes des bases sous-marines, mais qui ont un peu perdu de leur intérêt sur le plan stratégique pour les Alliés. Hein. Mais en revanche, la population, elle, elle attend. Eh oui. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois Brest libérée, il y a eu des troupes allemandes qui étaient un peu partout en Bretagne, qui ont eu l'ordre de se replier vers Lorient et Saint-Nazaire. Donc les uns à partir de Rennes, les autres venant du fond de la Bretagne, hein, de la région de Carhaix, etc., enfin du centre de la Bretagne, de Quimper. Et ce ne sont pas des troupes, ce sont des troupes aguerries, hein, puisqu'on va trouver en particulier à Lorient des parachutistes. Hein, un corps de parachutistes était parmi les plus fanatisés dans la Wehrmacht. On va avoir également donc des marins, puisque Lorient et Saint-Nazaire, il y a des marins. Bien sûr. Qui, certes, ne sont pas habitués au combat terrestre, mais qui, malgré tout, sont là aussi assez aguerris. Et puis, on va avoir par ailleurs des troupes allemandes très diverses et des troupes qui sont liées à la Waffen-SS, hein, les Géorgiens, les Ukrainiens, etc., qui sont, eux, ils n'ont plus d'autre solution. C'est-à-dire que, ou ils se battent jusqu'au dernier, bien puisqu'on sûr. Voit bien le sort qui les attend si jamais les Allemands perdent. Alors, Catherine de Copé, une question. Avant de reparler de qui combat, Stéphane Simonet, bonjour. Vous avez travaillé donc sur ces poches de l'Atlantique. La stratégie allemande, on peut peut-être revenir là-dessus, sur par rapport aux ports de l'Europe de l'Ouest. Pourquoi s'être concentré finalement sur cet est, sur cet ouest, pardon, en créant des forteresses qu'ils ont appelées Festungen en allemand, alors qu'à l'est, il se passe quand même beaucoup de choses à ce moment-là. Il y a toute une chronologie en fait de tout à fait. De alors les Allemands, effectivement, ont eu vent d'un projet de débarquement allié à la fin de l'année 43 par leur service de renseignement. Ils savent pertinemment que le débarquement aura lieu à l'ouest, en France en tout cas. Et à partir de là, Hitler va mettre en œuvre plusieurs directives demandant à ses commandants de forteresses, à ses commandants de bases sous-marines, justement de renforcer le mur de l'Atlantique dans ces points précis où il y a notamment des bases sous-marines allemandes. Mais pas seulement, donc une quinzaine de ports sont obligés de fortifier, de consolider leur système défensif à partir de janvier. Il y aura ensuite une directive en août et ensuite en septembre 44. Donc, par trois fois, le système défensif allemand va se renforcer. Mais la première directive date de janvier 44 et à partir de là, effectivement, le mur de l'Atlantique commence à prendre un peu plus d'épaisseur sur les côtes de France et aussi dans le nord de la France. Hitler va même aller, excusez-moi Catherine de Copé, aller jusqu'à chercher Rommel pour pouvoir faire une inspection de ce mur de l'Atlantique et pour pouvoir renforcer ce mur de l'Atlantique, voilà, qui a quand même beaucoup de trous en l'occurrence. Voilà, parce qu'il a beaucoup de trous, ce mur de l'Atlantique, effectivement, Hitler va faire venir Rommel, donc le général de africain qui s'est illustré face à Montgomery dans les déserts africains. Et Rommel arrive effectivement en fin 43, début 44 pour prendre à la fois le commandement du groupe d'armée B en France, mais également l'inspection du mur de l'Atlantique qui a énormément de retard, qui est complètement perméable par endroits. Et donc Rommel va justement accentuer cet effort de fortification et donc plus de 5000 points fortifiés vont être construits entre janvier et juin et ainsi de suite. Voilà. Catherine de Copé. Oui, ce qu'on peut noter, c'est que le maréchal Rommel n'était pas tout à fait d'accord avec cette stratégie, parce que lui, si j'ai bien compris, il aurait préféré, ou il pensait, il était plutôt favorable à un renforcement du front, évidemment atlantique, mais plus vers l'intérieur des terres, plutôt que de renforcer le mur. Alors expliquez-nous. Alors Rommel ne croit pas du tout, effectivement, à l'invincibilité et à l'infaillibilité du mur de l'Atlantique. Lui, il pense qu'on ne pourra pas rejeter d'un seul coup, grâce à ce mur, les alliés à la mer. Et donc, il préfère, lui, consolider l'intérieur des terres par un système de batterie de dessert, mais à l'intérieur des terres profondes, voilà, avec un système défensif de fossés anti-char, etc., donc sur plusieurs kilomètres, plutôt que de continuer à fortifier les batteries allemandes, les plages, avec tout un système défensif sur les plages. Donc lui, il ne croit pas du tout à cette théorie. Donc en ce sens, dans ce débat qu'il oppose à von Rundstedt, le généralissime qui commande les armées, il s'oppose. Mais malgré tout, il applique les ordres et donc il va malgré tout continuer à renforcer ce mur de l'Atlantique. Mais comment, au bout du compte, à partir du moment où le débarquement a lieu, ou comme nous l'a raconté Jacqueline Saint-Clivier, eh bien la percée d'Avranches a lieu, où donc les forces alliées commencent à pénétrer sur le territoire français, comment décide-t-on de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas, justement, de ces défenses-là, qui vont progressivement être coupées de l'arrière du front, et en particulier des troupes allemandes, et donc vont devenir isolées, en l'occurrence, sur un territoire qui va finir par être libéré, en l'occurrence. Oui, alors justement, Hitler et les stratèges allemands décident de ne pas tout garder, donc, mais de concentrer leurs hommes dans des endroits vraiment très stratégiques, notamment dans les ports, notamment dans les bases sous-marines allemandes, donc Lorient, Saint-Nazaire, mais également Dunkerque, la Palisse à La Rochelle, et puis d'abandonner un petit peu les autres sites qui ne sont plus du tout stratégiques. Hitler veut continuer à empêcher les Américains d'amener leur logistique en France par ces ports-là. Et donc, les Américains se sont emparés du port de Cherbourg fin juin. Ils sont déjà à Anvers début septembre, mais malgré tout, il veut quand même gêner l'approvisionnement en logistique de la part des Américains. Et donc, il va donner l'ordre à ses hommes de défendre coûte que coûte ces forteresses qui sont celles de Saint-Nazaire et de Lorient notamment. Alors Jacqueline Saint-Clivier, on voit bien l'intérêt pour les Allemands de créer ces poches et de les conserver le plus longtemps possible. Quelle est la stratégie, pourrait-on dire, du côté des Alliés, parce que cette stratégie n'est pas unique. On n'a pas une position, disons, très simple entre les Anglais, les Américains et puis, il faut le dire, général de Gaulle et tous ceux qui servent la France libre en particulier. Il y a les FEFI qui finissent par libérer une partie du territoire et en particulier le sud-ouest de la France. Quel est le rôle justement et la volonté du général de Gaulle et de ceux qui sont autour de lui par rapport à ces poches de l'Atlantique, Jacqueline Saint-Clivier ? Alors, le général de Gaulle, lui, ce qu'il veut, c'est restaurer l'État français, la République française. Et donc, par conséquent, il va insister pour que, en particulier en Bretagne, qui est la première région et surtout la Rennes, la préfecture régionale est à peu près intacte par rapport à Caen, qui est complètement détruite. Donc, à ce que les autorités puissent bien se mettre en place, puissent aussi travailler avec les Américains, mais à un niveau égal, ou tentative, en tout cas, que ce soit à peu près à égalité. Donc, De Gaulle insiste là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il peut toujours insister. C'est pas lui qui décide. Et puis surtout, il n'a pas l'armement. Ouais. Les FFI sont courageux, c'est pas la question. Ils vont se battre. Ils n'ont qu'une envie, c'est de tout libérer dans la région. Et disons, c'est valable pour l'ensemble de la France, sur l'ensemble des poches de l'Atlantique. Mais le problème, c'est que les FFI, ils ont quoi? Ils ont des mitraillettes. Ils n'ont pas d'artillerie lourde en particulier. Et c'est ça qui leur manque et pour lesquels ils ont besoin des Américains. Or, la stratégie américaine va changer. En plus, elle va évoluer entre le débarquement, la percée d'Avranches à la fin du mois de juillet, puis la libération de Rennes. Certains, donc Patton voulait effectivement envoyer les Américains donc vers l'ensemble de la région bretonne. Mais l'un de ses généraux, le général Wood, lui se dit « Rennes est libérée, maintenant on fonce vers l'Est ». Et donc, lui, il a l'intention d'aller plutôt vers le sud. On lui demande de revenir en arrière, ce qui, évidemment, a laissé du temps aux Allemands pour renforcer les défenses à Lorient et à Saint-Nazaire et surtout un petit peu stimuler aussi les hommes sur place, les Allemands eux-mêmes. Quoi. Alors, on voit bien les tergiversations, les discussions, les débats à l'intérieur des deux états-majors, état-major allié d'un côté, état-major allemand de l'autre, Stéphane Simonet. Et puis au milieu de ça, eh bien, il y a les civils qui sont pris en otage à l'intérieur de ces villes, qui ne savent pas très bien comment faire. Ils vont rester nombreux à l'intérieur de chacune de ces poches, dans des conditions qui vont être difficiles, pendant, comme nous l'a dit au tout début de l'émission Frédéric Desberg, pendant 8 mois, en attendant une possible libération de leur ville. Alors les civils, effectivement, sont un peu pris au piège dans ces, entre ces deux fronts. Donc ces empochés, tels qu'on va les appeler, vont effectivement subir des mois difficiles. Alors tous ne vont pas rester, bien évidemment. La grande majorité de ces poches vont quand même se vider, mis à part celle de Saint-Nazaire, lors de trêves qui sont donc imposées par les Allemands sous l'autorité de la Croix-Rouge. Donc ces trêves qui permettent d'évacuer les populations vont être organisées essentiellement lorsque c'est encore temps, donc avant l'hiver 44, donc à l'automne, et puis surtout après aussi, juste avant l'offensive du printemps 45. Donc des villes comme Royan se vident, Lorient s'est déjà vidé en 1943 lors des impressionnants bombardements alliés, donc Lorient est quasiment une ville désertée par ses habitants. Et puis il y a ceux qui sont, comme à Dunkerque par exemple, qui sont internés de manière un petit peu péremptoire par les Allemands eux-mêmes, qui décident, après avoir fait évacuer la quasi-totalité de la population de Dunkerque et de la poche, de s'attacher au sort de ceux qui ne veulent pas partir. Donc ils sont à peu près 700 à 800. Et donc ces populations sont internées dans des camps qui sont organisés dans des villes, dans des rues qui sont coupées, et donc ils sont bien organisés, qui sont quadrillés, et donc ils sont gardés par des gardiens allemands jusqu'à la libération donc de la poche de Dunkerque. Alors ce terme d'empoché a été si célèbre qu'au bout du compte, oui, alors on parlait des empochés, et donc on va vous faire écouter une archive, hein, puisqu'on est quand même dans une émission où vous allez entendre des archives de l'INA sélectionnées grâce à la complicité d'Yves Gaillard. On écoute tout de suite la chanson des empochés. Il est au sud de la Vilaine, un pays cerné de soldats, oui, de soldats, vu que des Français qui n'ont pas de veine, sont les pochards, oui, nous voilà, être pochard, chose spéciale, puisqu'on ne peut rien vous cacher, rien vous cacher, ce n'est pas vous rincer la dalle, c'est simplement être empoché, empoché, mais qu'est-ce que ça fout, on s'en fout, même plaqué comme une vieille croûte, souviens-toi, que tu étais français sans doute. Autrefois, les pêcheurs, les oquiquines, on les a dans les narines, l'Amérique et l'Angleterre, on les a au derrière. Mais puisque voilà un extrait de la chanson des empochés, chantée par Madame Tassard en 1995. Alors, c'est une civile en fait qui a vécu dans l'une des poches. Alors on doit ce témoignage à France Bleu Loire Océan, qui a enregistré des veillées organisées par Ouest France en 1995. Voilà. Et il y a 20 ans, donc, à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de ces poches de l'Atlantique. Et donc, on a le contexte dans lequel vivaient plus ou moins ces civils qui n'ont pas tous le même sort. Jacqueline Saint-Clivier, il y a ceux et celles qui vivent dans une poche, et dans la poche d'à côté, ça n'est pas forcément exactement la même chose entre Lorient, entre Saint-Nazaire ou encore un peu plus loin, La Rochelle ou Royan. Non, leur sort n'est pas tout à fait le même. Et ce que disait tout à l'heure Stéphane Simonet, c'est qu'effectivement, dans le cas de la poche de Lorient, elle est d'abord beaucoup plus petite. Et dans cette poche, de toute façon, déjà, les habitants de Lorient n'y sont plus. Mmh. Ils sont en dehors, puisqu'ils se sont réfugiés, pas très loin. Hein. Ils sont restés dans le Morbihan, contrairement à tout ce qu'on leur a dit, d'ailleurs. Et eux, à l'intérieur de la poche de Lorient, on ne va pas avoir tout à fait la même situation entre ceux qui sont dans la presqu'île de Quiberon, carrément isolés, d'autres qui sont des cultivateurs, mais dont le bétail, les récoltes, etc., sont réquisitionnés par les Allemands. Dans la poche de Saint-Nazaire, là, vous avez beaucoup plus de monde. Il faut noter que c'est la plus étendue, avec le plus grand nombre de civils, hein, 120 000 civils et 2000 km² de surface. Exactement, tout à fait. Et parmi ces civils, alors Ils sont régulièrement, il y en a une partie qui va être évacuée, en particulier en décembre 44, en janvier 45, il va y avoir plusieurs convois ferroviaires qui pour les évacuer. En même temps, il y a également d'autres où on leur dit de partir, ils ne veulent pas parce qu'ils craignent les pillages. On a donc des situations assez différentes et bien entendu derrière c'est toute la question du ravitaillement aussi. Ah oui, autre question aussi, Frédéric Desberg, c'est la question de ceux qui sont à l'intérieur des poches avec ces Français, à savoir les troupes qui tiennent, les troupes allemandes qui tiennent ces poches. Et ces troupes allemandes ne sont pas que des troupes allemandes en l'occurrence. Effectivement, elles ne sont pas qu'allemandes, elles sont pour, alors ça varie, hein, ça dépend des pourcentages et des endroits, elles sont également des troupes supplétives, c'est-à-dire ce que l'on appelle des Osttruppen, des troupes de l'Est, qui sont des troupes anciennement soviétiques. Polonais ? Alors, il y a des Polonais. Des statuts, on va dire, différents. Parce que... Des Ukrainiens, des Polonais, des Russes. Voilà, mais je voudrais distinguer quand même les troupes soviétiques qui sont par exemple des Russes, mais qu'à l'époque on appelle des Russes et même des Russes blancs anti-soviétiques. Donc des Russes, des Ukrainiens, également des peuples du Caucase, arméniens, géorgiens par exemple, des Cosaques. On voit par exemple des Cosaques dans la région de Royan. Ce sont des gens qui, et donc il en a été fait mention dans le reportage que vous avez diffusé hier, donc des gens qui étaient prisonniers et qui ont été incorporés finalement dans l'armée allemande, soit comme combattants, ou alors également qui se sont retrouvés sur le front atlantique, tout simplement comme travailleurs. Et puis il existe également des troupes étrangères, par exemple des Polonais, comme vous l'avez dit, des Tchèques, qui ont été incorporés dans l'armée allemande à partir de 1939, quand les Allemands ont envahi la Pologne. On a un peu l'impression qu'il y a une sorte de désordre dans ces troupes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des troupes d'élite, comme l'a dit tout à l'heure Jacqueline Saint-Clivier, des parachutistes, par exemple, allemands, des gens de la Wehrmacht extrêmement formés après 4 à 5 années de guerre. Et puis, de l'autre côté, des gens qui sont là, qui ont envie d'être là, sur lesquels, d'ailleurs, l'armée allemande n'a pas toujours une confiance, pour lesquels il n'a pas une confiance excessive. Il y a même, jusqu'à Royan, on aurait repéré des Sikhs, anciens de la Légion indienne, donc qui enturbanés font peur du côté de Saint-Georges de Didonne parce que ils sont donc habillés comme des Sikhs et ils ont été embrigadés dans cette idée que peut-être si le Reich gagnait, eh bien on ferait tomber l'Empire britannique et ils pourraient obtenir une indépendance voire un État pour eux en l'occurrence. Donc là, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a un bricolage de troupes en l'occurrence. Est-ce qu'on a raison, Frédéric Desberg? Oui, alors un bricolage, même si ces troupes sont répartis par bataillons nationaux, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment forcément mélangées. Alors il y a effectivement des troupes indiennes. Il peut y avoir des gens motivés, et en particulier parmi les officiers, qu'ils soient allemands d'ailleurs ou qu'ils soient étrangers, mais l'impression que les archives en tout cas laissent, celle que j'ai pu voir, concerne des déserteurs qui sont interrogés par les forces françaises de l'Ouest. Donc les déserteurs ne sont pas les plus motivés. Effectivement, ce sont des gens qui se retrouvent, alors qui ont peur, qui ont peur de la discipline allemande, car ils savent très bien que s'ils n'obéissent pas, ils risquent des sanctions, ils risquent d'être fusillés, et c'est arrivé. Ils savent également que s'ils sont faits prisonniers à l'issue, leur sort est très incertain. Certains, ça a été dit dans le reportage d'hier, ont déjà rejoint le maquis, d'autres essaient de se rendre avant. Mais les circonstances sont encore une fois différentes entre soviétiques et polonais. Et les Allemands vont aller jusqu'à interner les supplétifs dont ils se méfient le plus. Voilà, il y a un camp, par exemple, à l'intérieur des poches, des Russes sont emprisonnés. Il y a tout un tas de pressions. Par exemple, dans la poche de La Rochelle, le colonel Pohlmann fait un chantage aux familles en disant si vous désertez, il dit ça aux Polonais principalement, si vous désertez, eh bien, nous irons voir vos parents. Ouais. Alors évidemment, à partir du moment où l'Allemagne perd la Pologne, eh bien c'est un... Donc au début 45, ce frein disparaît pour les désertions. Alors, pour continuer à parler de ce qui se passe dans ces poches, il y a des témoignages qui ont été... Oui, alors on va revenir à la poche de Saint-Nazaire, qui a été la plus souffrante finalement, puisqu'il y a eu toute une histoire aussi autour de l'électricité qui a été coupée volontairement au début, finalement pour empêcher les Allemands de se développer à l'intérieur. Et il y avait un débat entre Américains et Français sur cette électricité qui était coupée. Il y avait plusieurs zones avec des laissés-passer. Enfin, la vie était assez dure. Et je vous propose d'entendre tout de suite le témoignage, là encore, du cinquantenaire de cet événement en 95 recueilli par France Bleu Loire Océan. On va écouter Thérèse Morvan, qui était enfant dans la poche de Saint-Nazaire. Moi, je m'appelle Thérèse Morvan, mon autre jeune fille c'est Châtelier. J'avais 20 ans, j'habitais Guerouette. Et le début de la poche, pour nous, ça a été le pont de Guerouette qui a sauté. Les Allemands ont fait sauter. Alors nous nous sommes trouvés tout de suite enfermés. Nous avons tout de suite pensé que ça n'allait pas durer, qu'on allait être libérés. On ne pensait pas du tout être enfermés dans la poche. Si bien que nous étions 6 enfants et ma sœur aînée est partie avec tous mes autres frères et sœurs qui étaient jeunes. Et moi, je suis restée avec mes parents en se disant nous allons être séparés 3 jours, 4 jours. Il vaut mieux que les petits se mettent à l'abri le temps de la bagarre parce qu'il va y avoir de la bagarre. Et puis, non, la poche s'est constituée. Je me souviens très bien d'avoir vu les soldats allemands qui arrivaient en guenilles, fatiguées. Et puis petit à petit, la poche s'est donc constituée, on s'est trouvé enfermé. Et il a quand même fallu au moins 15 jours pour se rendre compte qu'on nous oubliait. Et puis alors, très peu de temps après, les bombardements ont commencé pour nous. Nous avons donc vécu pratiquement 10 mois sous les obus. Et enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais une chose qu'on n'a jamais bien compris... Et je pense que jamais personne pourra nous l'expliquer, pourquoi cette sorte de harcèlement de bombardement qui ne ressemblait strictement à rien, qu'à démolir toutes les maisons, qu'à démolir l'église, qu'à nous obliger tous à partir. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Voilà donc pour ce témoignage de Thérèse Morvan, recueilli par France Bleu Loire-Océan le 28 mars 1995, il y a 20 ans, donc sur ces poches de l'Atlantique, qui est au cœur de notre journée d'aujourd'hui dans la Fabrique de l'Histoire, dans une semaine consacrée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Catherine de Copé. Jacqueline Saint-Clivier, on peut peut-être insister sur cette frustration, déception de la population civile qui ne comprend pas finalement pourquoi les Alliés n'arrivent pas et pourquoi cet enfermement dure aussi longtemps, avec les questions de ravitaillement de plus en plus difficiles qui se pose, c'est ce que le témoignage fait comprendre en tout cas. Oui, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on regarde les archives des autorités françaises, des nouvelles autorités, hein, celles du gouvernement provisoire, c'est qu'eux-mêmes, en particulier tout le mois d'août, voire début septembre, c'est-à-dire jusqu'à la libération de Brest, on voit bien qu'eux-mêmes pensent que les Américains vont ensuite aller vers l'Orient Saint-Nazaire, vont libérer ces poches, et que la population pourra reprendre, je dirais, une vie à peu près normale. On sait très bien que ça n'a pas été si normal que ça après la libération. Donc, il y a un espoir immense et ensuite une déception totale quand ils se rendent compte que, bien non, ils ne vont pas pouvoir sortir, que les Américains n'attaquent pas ou attaquent un peu, mais pas en tout cas de manière telle que cela va permettre la libération des poches. Et ils sont amenés, bien évidemment, à s'organiser, à essayer de continuer à vivre malgré tout, en sachant que la situation, là encore, n'est pas tout à fait la même, suivant que l'on est près de la ligne de front. Bien sûr. Ou, au contraire, quand on est plus à l'intérieur. Mmh. Quand on est plus à l'intérieur, c'est évidemment difficile, mais ce n'est pas la même chose que le témoin que nous avons entendu tout de suite. Là. Stéphane Simonet, on peut se poser la question, non pas de ce début d'automne, fin d'été 1944, mais du cœur de l'hiver 1944, puisque ce qu'espère le gouvernement provisoire, et que vient de nous dire Jacqueline Saint-Clivier, à savoir une offensive, quelque chose de possible, est attendu pour justement juste avant Noël, et puis ça n'aura pas lieu. Pourquoi ça n'a pas lieu en fait ? Oui, l'idée du général de Gaulle, c'est d'intervenir assez rapidement avant le mois de décembre 1944, et donc il met tout en œuvre pour déclencher une opération sur Royan, parce qu'on va commencer par Royan en fait. De Gaulle estime que c'est la plus petite des poches de résistance allemande. C'est la moins peuplée. Il y a 2000 habitants à Royan, 8000 dans la poche. On en a évacué déjà une partie. Voilà. Et puis donc on va commencer par Royan. Et puis après Royan, on remontera un petit peu La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, etc. Donc il y a un plan dans cette attaque. Et l'opération programmée en décembre finalement est annulée puisque les Allemands au même moment, vers le 16 ou 17 décembre, déclenchent la grande offensive dans les Ardennes. Qui donc les Américains décident d'annuler cette opération donc sur l'Atlantique. Et donc malgré tout, on va quand même maintenir le bombardement sur Royan, qui devait être un bombardement préparatoire à la grande offensive. Alors voilà, ce qui est très, très étrange et qui va encore accentuer le sentiment d'abandon des gens qui vivent dans ces poches, c'est évidemment de se demander pourquoi on va les bombarder au mois de janvier, puisque le bombardement est prévu pour le 5 janvier, et pourquoi on va les bombarder au mois de janvier, et pourquoi parmi les 2200 survivants qui étaient encore dans la poche de Royan français, il y en aura 440 qui vont décéder sous les bombardements, un véritable tapis de bombes qui va détruire 85% de la ville de Royan. Un témoignage que nous avions recueilli pour l'Histoire en direct en 1997, le témoignage de Yves-Henri Anglade qui était justement dans la poche de Royan au moment du bombardement de janvier 1945. À 5h du matin, les seuls sauveteurs qui étaient sur les décombres pour chercher des victimes étaient des résistants, soit le petit groupe de Saint-Georges, soit le petit groupe vers Montcoin, là, Vaux-Saint-Sulpice, soit de l'autre côté vers la mer. Il n'y a eu que des résistants. Nous n'avons pas vu, après les deux raids, nous n'avons pas vu plus de 25 à 30 personnes sur cet immense tas de décombres. Ça a duré 3 jours. Je dormais plus et je ne me déchaussais plus. Sans ça, je ne me serais jamais rechaussé. J'avais des chaussures, c'est un détail stupide, j'avais des chaussures trop petites, des gros godillots trop petits. Et à force de marcher notamment descendre les cratères et les remonter, les doigts, je ne sais pas, c'était abîmé. Et j'en ai ressenti les dégâts pendant des années. Il y a eu beaucoup pire que ça, parce que souvent, on risquait de tomber dans des trous où il y avait des paquets de braises, tout un restant de brasier. Alors là, on risquait de se brûler. Il fallait faire très attention avec les planches et leurs clous. Il fallait faire très attention aux murs. Il restait quelques murs. La plupart s'écroulaient petit à petit. Voilà donc le témoignage de Yves-Marie Anglade recueilli en 1997 sur le bombardement de Royan du 5 janvier 1945. Et il faudra encore attendre, après ce bombardement, encore quelques mois pour qu'on puisse relancer une offensive, Frédéric Desberg. Et là encore, des morts dans cette poche de Royan, l'incompréhension de ceux qui survivent, à savoir pourquoi on ne les libère pas tout de suite. Et on attend quoi, avril 1945 ? Oui, avec un nouveau bombardement en avril 1945, qui celui-ci précède effectivement la libération. Une attaque, oui, et la libération. Alors, on le voit, des populations n'avaient pas fui, n'avaient pas été évacuées. Et beaucoup, en particulier à Royan, avaient voulu rester dans la ville, tout simplement pour ne pas abandonner leur maison. Leur maison. Et cela crée finalement une ambiguïté, un malentendu. Est-ce que ceux qui restent sont des collabos ? Voilà ce que les FFI peuvent se demander. FFI qui, par ailleurs, éprouvent eux aussi un sentiment de frustration et de... Bah parce qu'ils sont de l'autre côté. Voilà. Ils ont les armes à la main et voilà. Ils attendent. Ils attendent dans la situation... pas très confortable de l'assiégeant. C'est pas beaucoup plus confortable d'être assiégeant qu'assiégé finalement. Voilà. Et donc cette population ne comprend pas, ce qui, à mon avis, pose de toute façon le problème des bombardements de populations civiles et des bombardements stratégiques. Est-ce que les gens à Dresde ou à Tokyo comprenaient ce qui leur arrivait ? Catherine de Copé. Jacqueline Saint-Clivier, comment on peut expliquer ces bombardements américains qui ont été finalement très très puissants ? Est-ce que c'était une démonstration de force qui était censée finalement faire peur aussi aux Allemands du côté de l'Est de l'Europe ? Est-ce qu'il y avait aussi un sous-texte militaire qui était difficilement compréhensible sur le moment ? Il y a plutôt des bombardements américains, surtout donc ce qu'on vous disait tout à l'heure là à l'Orient. Pour l'Orient et Saint-Nazaire, il y en a eu, mais ils sont pas permanents. Hein. Mm-hmm. Et là encore, je répète, c'est pas la même chose d'être sur la ligne de front ou à l'arrière. Les Américains font cela aussi parce que quelquefois les FFI. Alors d'une part, il y a des tirs allemands, ce qu'on oublie quand même de dire. Hein. Il y a eu des tirs allemands parce que eux, de temps en temps, ils tentent des sorties pour récupérer souvent du ravitaillement, mm-hmm. Tout simplement du bétail, et autres. Et évidemment, à ce moment-là, les FFI qui n'ont pas d'artillerie demandent aux Américains, et ça se fait sans problème, entre guillemets, de répondre, de répliquer. Donc il y a cet aspect-là. En sachant que les tirs américains, c'est pas la même chose, je dirais, entre août et septembre-octobre. Et puis, ceux qui étaient évoqués tout à l'heure pour Royan. Là, pour Royan, on est dans un autre cas de figure. Et puis, bien sûr, en avril 45. À partir du... Alors, n'oublions... À partir du 14 avril, en particulier. À partir du 14 avril. Alors, n'oublions pas non plus que les FFI, eux, il n'y a pas que les empochés qui subissent les difficultés de la période. Les FFI sont également non seulement très mal équipés en termes d'armement, mais aussi en termes de vêtements. Bien sûr. Quand ils sont, on les a appelés les va-nu-pieds, je crois. Oui, exactement. Parce que quand ils sont partis, ou en tout cas au début, c'était l'été. Et puis arrive l'hiver, ce sont des civils, des résistants civils. Bon, ils n'ont donc évidemment pas de chaussures convenables et surtout, elles sont de plus en plus fatiguées. N'oublions pas le rationnement général sur la France. Certains sont en sabots. Donc il a fallu du temps. Ils ont été ensuite petit à petit incorporés dans des divisions et autres. Mais il faut du temps pour les incorporer, pour les habiller, les chausser, et là encore, tout ce qui est vêtements, chaussures, comme pour l'armement, ça ne dépend pas des Français qui n'en ont pas les moyens. Eh oui. Témoignage d'ailleurs de l'époque, de 1945, Michel Brouy est correspondant de guerre, et il revient donc de la poche de Saint-Nazaire, où il raconte à Pierre Sabag, en 1945, alors qu'elle n'est pas encore libérée, ce qu'il y a vu pendant un mois. On écoute son témoignage. J'ai à côté de moi, dans le studio, Michel Brouy, qui est correspondant de guerre. Il vient, je crois, de la poche de Saint-Nazaire. Vous venez de la poche de Saint-Nazaire ? Oui, de la poche de Saint-Nazaire. Et vous êtes resté longtemps dans cette région ? Plus d'un mois. Vivant avec les unités au combat, prenant part à des patrouilles et autres opérations. J'ai tenu à maintes reprises à vivre intégralement la vie de ces gars, qui déjà dans l'histoire porte le nom triste et glorieux, à la fois de va-nu-pieds superbes. En effet, on parle beaucoup de l'insuffisance de leur habillement. C'est exact, quoique depuis quelques semaines, un effort est fait dans ce sens. Nos FFO... Qu'est-ce que c'est que les FFO ? Les forces françaises de l'océan ou de l'ouest. Ah oui, il y a deux interprétations. Commencent à recevoir vêtements chauds, chaussures, etc. Les provenances sont multiples, ce qui évidemment ne facilite pas l'uniformité. Heureusement, on a nettement l'impression, et c'est maintenant une certitude, qu'avant peu, tous ces groupes issus de la clandestinité se retrouveront repris dans les cadres d'une armée que nous voudrions tous rénover et parfaitement équipée. Dans l'ensemble du secteur, certaines régions sont-elles particulièrement représentées ? Enfin, j'entends Vendéens, Bretons... Oui, les Vendéens et les Bretons sont particulièrement nombreux. Et beaucoup de jeunes Français qui avaient évité le départ en Allemagne et s'étaient cachés dans les maquis de la région de Limoges. Certains de ces groupes sont venus de suite après la libération encercler les Boches de la poche. Voilà, c'est les Boches de la Poche, donc racontées par Michel Brouy en 1945 au micro de Pierre Sabag. Alors Stéphane Simonet, il faut dire et il faut insister là-dessus que effectivement ces mois permettent quand même plus ou moins au gouvernement provisoire d'organiser des divisions, de faire en sorte que ce désordre de courage décrit par Malraux à propos de la résistance finisse par trouver un ordre, une organisation. On va discipliner, pourrait-on dire, ces gens qui viennent et qui sont pour certains difficilement disciplinables parce qu'ils ont été dans le maquis pendant un an et demi, deux ans. En l'occurrence, on va les discipliner pour en faire des soldats. C'est le projet du général de Gaulle, de projet de réarmement des divisions françaises à l'automne 44. Donc l'apport FFI, là, qui a obligation de s'engager dans ces unités nouvelles, va permettre de Gaulle de constituer des nouvelles divisions. Effectivement, on a la 19e division devant Lorient, la 23e division qui se reconstitue donc devant Saint-Nazaire, et puis une division plus tard en janvier 45 devant La Rochelle. Et donc on reconstitue des régiments qui avaient été dissous en 40. Donc c'est une armée nouvelle qui se remet en forme. Et donc les ex-FFI et FTP, faut pas oublier aussi des FTP, les Front Tireurs Partisans, donc plutôt d'obédience communiste, donc forment l'armée nouvelle que le général de Gaulle souhaite amener au combat et à la victoire. Frédéric Desberg, sur ces... Oui, simplement pour ajouter que donc il y a bien sûr les FFI, les résistants, qui continuent finalement le combat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est chasser l'occupant, et ils arrivent dans les poches, ils continuent le travail. Et c'est le cas, nous aurons une communication là-dessus au colloque de Saint-Nazaire, par exemple, des Charentais qui continuent. Mais il y a... Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, les FFI deviennent des soldats réguliers, mais il y a aussi des troupes, des troupes régulières et des troupes venues d'Afrique du Nord et d'Afrique, tout simplement, qui se distinguent. Voilà, vous avez évoqué dès le début de l'émission l'île d'Oléron, qui est, voilà, c'est le 4e régiment de Zouaves qui se retrouve finalement à avoir les honneurs de la libération. Alors, et écoutez cette archive. Vous faites la transition pour nous, on va vous laisser écouter une archive assez exceptionnelle liée à Royan, on l'écoute tout de suite. Nous avons trouvé dans un petit village de la Charente-Maritime un bataillon de marche antillais. Et c'est avec un réel plaisir que nous avons voulu lui consacrer quelques instants. Vous entendez en ce moment un quatuor vocal qui interprète un air de cette terre lointaine. Et vous pouvez certainement constater combien chez ces hommes existe un rythme profond. Nous ne sommes pas ici pour parler musique. Sachez seulement que ces Antillais vont dans quelques heures attaquer les positions allemandes du front de Royan. Le calme règne, ils sont sûrs d'eux, sûrs de leurs réflexes, et c'est pourquoi maintenant ils s'échappent de ce qui les attend tout à l'heure, c'est-à-dire la lutte pour la vie, pour le droit de vie. Peut-être y a-t-il aussi dans leur esprit l'espoir d'un prompt retour, mais en attendant, ils chantent et écoutez-les. Dites-moi, mon capitaine, qu'est-ce que vous pensez de vos hommes en tant que musiciens tout d'abord ? Eh bien, très souvent, ça a marché à peu près comme ceci. Ils sont très musiciens d'ailleurs. Mais dites-moi, en tant que soldat alors ? Sur le plan soldat. En tant que soldat, alors évidemment, c'est autre chose. D'ailleurs, je suis aussi content d'eux, même plus content d'eux sur le plan militaire. Que sur le plan musical. Eh bien, je vous remercie. Nous allons nous adresser maintenant à un lieutenant qui, je crois, est originaire des Antilles. Vous êtes originaire des Antilles, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, voulez-vous interviewer quelqu'un en antillais pour donner une impression à nos auditeurs, parce que peut-être cette langue... Alors, allez-y. Voilà. Où c'est Jean Côté ? C'est Jean Guadeloupe. C'est Jean Guadeloupe, hein, qui est Villoumet ? Gaubert, oui. Quel âge ? Moi, j'ai 35 ans. Ah, mais je comprends très bien, vous lui avez demandé quel âge avait-il, hein ? Oui. C'est ça, ah, oui, je suis très fort. Alors, vous avez, il y a longtemps que vous êtes en France ? Ah, ben, il y a exactement... 27 jours. 27 jours. 27 jours, mais j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Afrique du Nord. L'Amérique, l'Afrique du Nord ? Ouais. Eh bien, c'est un beau voyage que vous avez fait, en effet. C'est un beau voyage sûrement, c'est surtout un beau combat de ces Antillais, bataillon de marche numéro 5 des Antilles, devant Royan justement, et qui va combattre. Là on est le 14 en l'occurrence, avril, ils vont partir à l'assaut dès le 15 avril pour pouvoir donc réduire cette poche de Royan. C'est important de savoir aussi qu'il y a ces Antillais, Loubanguichary, l'Afrique, etc. Il y a aussi la deuxième DB, il faut le dire. Oui. Malgré ce qu'en dit Leclerc, qui dit qu'il veut pas s'embourber dans les parcs à huit de Marennes, il est obligé de venir sur Royan pour pouvoir participer à cette offensive sur Royan en avril. L'Armina, le général de l'Armina qui commande les forces françaises de l'Ouest et le détachement de l'armée de l'Atlantique, a exigé des forces supplémentaires et notamment il a demandé à De Gaulle qu'on lui envoie des troupes blindées et donc on va extraire des éléments blindés de la deuxième DB du général Leclerc qui est furieux effectivement de devoir arrêter son élan vers l'Allemagne. Il, à ce moment-là, il est à Châteauroux, donc en repos, et donc on lui prend de force ses unités blindées, et donc Leclerc viendra quand même sur le terrain à Royan voir les opérations. De mauvaise grâce. Hein. De mauvaise grâce. Et donc, à peine terminé les opérations sur Royan, il récupère ses unités et il repart vers l'Allemagne. Donc voilà un petit peu l'épisode de deuxième DB, mais effectivement, il y a donc des régiments blindés français et qui vont participer à cette libération de Royan, et donc c'est le seul exemple d'ailleurs de cette dans l'histoire des poches où les unités régulières vont être au combat avec les FFI. Alors, il faut dire que on est vraiment à la fin de la guerre. On est dans les derniers 15 jours avant la reddition de l'Allemagne. Là, en l'occurrence, ça se passe entre le 14 avril et pour les dernières poches, d'ailleurs, elles seront libérées. Jacqueline Saint-Clivier, les dernières poches, en particulier du côté de Lorient, c'est le 8 et le 9 mai, c'est ça? Oui, c'est par à ces dates-là que cela se situe, avec les cérémonies officielles donc, qui, elles, ont lieu le 10 mai pour Lorient et le 11 mai pour Saint-Nazaire. Parce que pendant les Allemands, enfin à chaque commandant de poche, hein, n'avaient pas entendu, ou pas voulu entendre, après on peut se poser des questions, le fait qu'il y avait la capitulation qui était signée. Donc il a fallu négocier encore un petit peu pour pouvoir obtenir la reddition, en particulier pour la poche de Lorient. Une dernière archive. Oui, alors c'est pour le plaisir en tout cas d'écouter toute cette atmosphère, évidemment, puisque on ne l'a pas vécu. Un reportage d'Henri Sadorge chez les fusiliers marins, juste avant la prise de l'île d'Oléron, donc qui était liée à la poche de Royan. On l'écoute tout de suite. Sous le commandement du général de Larmina, les forces françaises poursuivent le nettoyage des poches de l'Atlantique. Nous sommes à l'embarcadère d'où va partir l'offensive déclenchée contre l'île d'Oléron. Les marins, comme pour Royan, y prennent une part active. À l'embouchure de la Seudre sont massés les landing craft. C'est là que dans quelques instants va embarquer le bataillon des fusiliers marins qui a pour mission d'établir la tête de pont. Il est 2h30, l'obscurité est totale, pas un bruit, pas une lumière. Tout semble dormir et pourtant l'activité est grande où nous nous trouvons. Ils sont maintenant réunis dans la cour de la ferme, pas très bien réveillés peut-être. Je vais quand même essayer de les faire parler. Dites-moi Jacques, c'est vous qui comprenez, quel est maintenant le thème de l'opération? Ben maintenant nous allons embarquer dans les chalands. Et donc dans très peu de temps alors, hein? Il est maintenant 1h30 et... 2h moins le quart même. 2h moins le quart? Oui, dans... C'est pour quelle heure? Un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Et au petit jour, vous allez faire tête là-bas au petit jour? Oui, oui, oui. Vous avez passé une bonne nuit, enfin, ah oui, une bonne demi-nuit. Une bonne demi-nuit, quoi. Bon, on a fait un bon sommeil, on est frais et dispo maintenant. Pas rien embarqué, quoi. Vous avez bouté? Oui, oui. Un coup de grâce. Tous ont aux lèvres une cigarette. C'est la dernière, car tout à l'heure, la moindre lueur sera une cible. Les hommes se groupent par section. Chaque section prendra place à bord d'un chaland. Côte à côte, ils vont débarquer et combattre. Formidable archive d'avril 1945 qu'on retrouve dans le fond de l'INA, Frédéric Desberg. Il n'y a pas que Robert Capa photographiant le débarquement de Normandie. Il y a ces reporters de la radio française présents, embedded, comme on dirait aujourd'hui, avec les troupes. On a une longue antériorité sur cette question de savoir s'il faut monter avec les militaires au front ou pas, en l'occurrence avec cette histoire de 1945. Oui. On a là quand même des reporters qui rendent compte quasiment immédiatement de ce qui est en train de se passer sur le front. Oui, alors c'était le cas déjà avec le débarquement, avec, y compris des metteurs en scène, des réalisateurs de professionnels de cinéma, effectivement. Ce qu'on peut noter aussi sur les archives radio, c'est qu'elles ne sont pas toujours diffusées. En fait, ce qu'on retrouve dans le fond de l'INA, c'est souvent enregistré telle date. Ce sont des rushs. Et on ne sait pas en fait si ça a été diffusé. Donc voilà, c'est d'autant plus intéressant de les diffuser aujourd'hui. Et oui, effectivement, en fait, Eric Desberg. C'est de l'après-coup. Disons que le système est différent de maintenant, on n'a pas de commentateur en direct. Et parfois, c'est de l'après-coup, très après-coup. Mais sur le cas de l'île d'Oléron qui était évoqué aussi, et qui m'a l'air véritablement compliqué dans la mesure où on se retrouve dans une île aussi. Donc c'est ça qui est quand même particulier, et donc qui est remarquable aussi pour les journalistes qui sont envoyés et sur place. Et il me semble qu'il y a une confusion aussi qui est liée au fait qu'on va retrouver parmi les défenseurs de l'île des Allemands, des Italiens, un commandant italien, des gens de très diverses nationalités, mais également des FFI qui sont sur l'île et des contacts entre, par exemple, des supplétifs qui, d'après ce que j'ai pu voir dans les archives, fournissaient les résistants en grenades et en pistolets. Ah oui, c'est assez particulier, effectivement. Qu'est-ce qui va advenir de ces prisonniers qu'on va faire dans ces poches de l'Atlantique, Frédéric Desberg, ces supplétifs, oui. des Osttruppen là, qui viennent de l'Est de l'Europe, on va les enfermer, les faire travailler au déminage sur les plages de l'Atlantique, etc. Voilà, alors déjà ils sont systématiquement interrogés, qu'ils soient allemands, allemands ou supplétifs autre qu'allemands, ils sont interrogés et puis on voit que petit à petit se mettent en place des techniques d'interrogatoire uniformisées, des styles de questions qui portent sur l'identité. Et en ce qui concerne les supplétifs, s'ils sont par exemple polonais, eh bien on leur demande de participer, s'ils sont par exemple sortis avant les poches, de participer à l'effort de guerre. Et leur patriotisme polonais est testé. Les autres, bon, de toute manière, sont envoyés dans des camps de prisonniers. Les fameux camps de prisonniers sur lesquels en particulier Fabien Théophilakis a écrit. Stéphane Simonet, cette fin d'histoire, c'est à la fois cette reddition des poches au moment de la reddition de l'Allemagne, pourrait-on dire, à un jour près ou à deux jours près pour les dernières. Et puis, c'est la mise en camp pour certains. Et puis c'est la participation, sous la houlette en particulier de Raymond Braque, au déminage, à tous ces travaux qu'il va falloir faire pour pouvoir remettre le territoire en état. Voilà, exactement. C'est une époque un peu charnière, ce mois de mai 45, où à la fois on fête la libération retrouvée, on fête aussi la fin de la guerre. C'est le départ dans les camps des prisonniers de guerre allemands. C'est la reconstruction qui se met à l'œuvre avec les plans de déminage et de reconstruction des villes. Et puis c'est aussi une armée française qui a connu la victoire sur son territoire, en libérant elle-même ses propres villes. Mais ces divisions qui ont été mises en avant par De Gaulle très vite vont être dissoutes à la fin de la guerre, hein, comme la plupart des divisions issues de la résistance. Et donc très vite la 19e, la 23e et la 21e vont être dissoutes en 1946, donc avant même qu'elles soient fêtées, voilà, exactement. Oui, on en parlera d'ailleurs demain, puisque demain on va justement raconter le retour à la vie normale, pourrait-on dire, de ceux qui ont fait de la résistance après la fin de la guerre, dans notre émission suite de cette série consacrée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Vous serez encore avec nous, Catherine de Copé, pour cette discussion. Il faut donc mentionner le colloque auquel participe Jacqueline Saint-Clivier, mais également Frédéric Desberg, deux de nos invités d'aujourd'hui, qui sera le 11, le 12 et le 13 mai prochain à Saint-Nazaire, donc lundi, mardi, mercredi, les poches de l'Atlantique, 1944-1945, entrée gratuite sur réservation. Il faut vous taper sur un moteur de recherche tout cela. Vous trouverez donc les poches de l'Atlantique à Saint-Nazaire, organisée par l'Université de Nantes et de La Rochelle. Et il faut mentionner votre livre qui vient tout juste de sortir, ou plutôt qui sort dès demain en librairie, Stéphane Simonet, qui s'intitule « Les poches de l'Atlantique ». Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci. Et merci à nos amis de Radio France à Rennes qui ont accueilli dans leur studio Jacqueline Saint-Clivier. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marsay. Emmanuel Morsdinkan était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur nos pages pour réécouter également ces émissions. Le documentaire de Catherine de Copé et de Anne Fleury hier sur les camps soviétiques en France à la fin de la guerre en particulier, donc www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après la diffusion, 1000 jours, mais également télécharger ces émissions dans l'année qui suit. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.